Le Père Serge par Léon Tolstoï. Chapitre 1er. Dans la décade des années 40, il arriva à Pétersbourg un événement qui étonna tout le monde. Le commandant du régiment des cuirassiers de l'empereur, le beau prince à qui tous prédisaient qu'il serait l'aide de camp de l'empereur Nicolas Ier, et que la carrière la plus brillante l'attendait près de Sa Majesté, un mois avant la date fixée pour son mariage avec une demoiselle d'honneur, jeune fille d'une beauté remarquable et qui jouissait de la faveur particulière de l'impératrice, donnait sa démission, rompait avec sa fiancée, faisait don de sa petite propriété à sa sœur et se retirait au couvent dans l'intention de se faire moine. Cet événement paraissait extraordinaire, inexplicable, pour qui n'en connaissait pas les raisons intimes. Mais pour le prince Stepan Kasatsky, tout cela était arrivé si naturellement qu'il ne pouvait même se représenter comment il aurait pu agir autrement. Quand son père, colonel de la garde en retraite, mourut, il n'avait encore que 12 ans. Quelque pénible qu'il fût pour sa mère de ne pas garder son fils près d'elle, elle ne crut pas devoir enfreindre la volonté de défunt son mari, qui avait recommandé, en cas de sa mort, de ne pas garder son fils à la maison, mais de l'envoyer au cours des cadets, et elle l'y envoya. Quant à la veuve, elle se rendit à Pétersbourg avec sa fille Barbara, afin de vivre là où était son fils et de l'avoir près d'elle les jours de sortie. L'enfant était brillamment doué et avait beaucoup d'amour-propre. Aussi était-il le premier en tout, surtout en mathématiques, pour lesquelles il avait des dispositions particulières, ainsi que pour les exercices militaires et l'équitation. Malgré sa taille, bien au-dessus de la moyenne, il était beau et agile. Outre cela, par sa conduite, il eût été un élève modèle s'il n'avait eu contre lui son emportement. Il ne buvait pas, il ne faisait pas la noce, et était remarquablement loyal. La seule chose qui l'empêchait d'être un modèle tout à fait parfait, c'était les accès de colère qui le prenaient par moments, et au cours desquels il perdait complètement possession de soi-même et devenait une véritable brute. Une fois, il avait failli jeter par la fenêtre un cadet qui s'était moqué de sa collection de minéraux. Une autre fois, il se jeta sur un officier, et on disait qu'il l'avait frappé, parce que celui-ci niait ses propres paroles et disait un mensonge. Il eût été sûrement dégradé si le directeur du corps n'avait étouffé l'affaire et renvoyé l'officier. À 18 ans, il sortit officier et entra dans le régiment aristocratique de la garde. L'empereur Nicolas Pavlovitch l'avait vu quand il était au corps et le distingua au régiment, de sorte qu'on lui prédisait qu'il deviendrait aide-de-camp de l'empereur, et Kasatsky le désirait fortement, non seulement par ambition, mais parce qu'encore du temps qu'il était au corps, il aimait passionnément, précisément passionnément, l'empereur Nicolas. Chaque fois que celui-ci venait chez les cadets, et il y venait souvent, chaque fois que sa haute et forte personne en tunique militaire s'avançait d'un pas énergique, la poitrine bombée, le nez aquilin surmontant la moustache, et les favoris taillés, et que de sa voix puissante il saluait les cadets, chaque fois Kasatsky ressentait l'enthousiasme d'un amoureux, juste pareil à celui qu'il éprouvait plus tard quand il rencontrait l'objet de sa flamme. Seulement l'enthousiasme amoureux suscité par Nicolas Pavlovitch était plus fort. Il aurait voulu pouvoir lui montrer son dévouement sans bornes, faire pour lui un sacrifice quelconque, sacrifier tout, sacrifier sa personne. L'empereur savait qu'il excitait cet enthousiasme, et il le provoquait exprès. Il jouait avec les cadets, s'entourait d'eux, s'entretenait avec eux, tantôt simplement, comme un enfant, tantôt amicalement, tantôt majestueusement et solennellement. Après sa dernière histoire avec l'officier, l'empereur n'avait rien dit à Kasatsky, mais celui-ci s'étant approché de lui, il l'avait écarté d'un geste théâtral, et les sourcils froncés l'avaient menacé du doigt. Puis, en partant, il avait dit « Sachez que je sais tout, mais il y a des choses que je ne désire pas connaître. Seulement, elles sont là. » Et il avait indiqué son cœur. Quand les cadets qui avaient terminé leurs études se présentèrent à l'empereur, il ne fit aucune allusion à cet incident et, comme toujours, il leur dit qu'ils pouvaient s'adresser directement à lui, il leur recommanda de servir fidèlement et sa personne et sa patrie et ajouta qu'il serait toujours leur plus grand ami. Tous étaient touchés, et Kasatsky, se rappelant le passé, pleura à chaudes larmes et prêta le serment de servir de toutes ses forces son tsar bien-aimé. quand Kassatsky entra au régiment, sa mère alla vivre avec sa fille, d'abord à Moscou, ensuite à la campagne. Kassatsky donna à sa sœur la moitié de sa fortune, et ce qui lui restait était juste suffisant pour subvenir à ses dépenses dans ce régiment aristocratique où il servait. Extérieurement, Kassatsky avait l'air d'un de ces jeunes et brillants officiers de la garde qui savent se pousser dans la carrière. Mais dans son âme, depuis l'enfance, se passait un travail très complexe et très pénible, qui paraissait très varié, mais qui en réalité était toujours le même et consistait à atteindre la perfection et la réussite en tout ce qu'il entreprenait et à mériter les louanges et l'admiration d'autrui. S'agissait-il d'exercices militaires, de sciences, il s'y acharnait jusqu'à ce qu'il méritât les louanges et qu'on le donnât en exemple aux autres. Dès qu'il avait réussi en une chose, il se mettait à une autre. Il était arrivé ainsi à être le premier en sciences. Ayant remarqué une fois, quand il était au corps, qu'il avait fait un contresens dans une conversation en français, il se mit à travailler, et bientôt il sut le français aussi bien que le russe. S'étant mis à apprendre le jeu des échecs, il arriva, étant encore cadet, à jouer à la perfection. Sauf le but principal de la vie, qui pour lui consistait à servir le tsar et la patrie, il avait toujours devant lui un autre but, et quelque minime qu'il fût, il s'y consacrait tout entier, et ne vivait que pour lui jusqu'à ce qu'il l'eût atteint. Mais aussitôt que le but fixé était atteint, il s'en trouvait un autre pour remplacer l'ancien. Cette aspiration à se distinguer, et pour se distinguer à atteindre un but fixé d'avance, remplissait toute sa vie. Ainsi, quand il fut promu officier, il se donna comme but de connaître à la perfection tous les détails du service, et très vite, il devint un officier modèle, malgré que son défaut, l'emportement, qui de nouveau se montrait dans son service, l'entraîna à commettre des actes fâcheux et nuisibles pour sa carrière. Une autre fois, ayant senti, au cours d'une conversation mondaine, son manque d'instruction générale, il lui vint l'idée d'y suppléer. Il se mit à étudier, et il arriva à ce qu'il désirait. Ensuite, il eut l'idée de se créer une situation brillante dans la haute société, et il apprit à danser. Il dansa bientôt admirablement, et bien vite fut invité à tous les grands bals et à quelques soirées intimes. Mais cette situation ne le satisfaisait pas. Il était habitué d'être le premier, et dans cette sphère, il était loin d'occuper cette place. La haute société de cette époque se composait, et je pense que toujours et partout elle se compose de même, de quatre catégories de gens. La première, celle des gens riches et des courtisans. La deuxième, celle des personnes sans fortune, mais qui étaient nées et avaient vécu à la cour. La troisième, celle des gens riches qui singeaient la société de la cour. La quatrième, celle des gens non riches, n'appartenant pas à la cour, mais qui singeaient ceux des deux premières catégories. Kassatsky n'appartenait pas aux premières. Il était reçu volontiers dans les deux dernières catégories. Dès qu'il commença à fréquenter dans la haute société, il se donna comme but une liaison avec une femme du monde, et à sa grande surprise, il l'atteignit très rapidement. Mais il remarqua bientôt que le cercle dans lequel il était reçu était un cercle inférieur, qu'il y en avait de supérieurs, et que dans le milieu de la cour, où cependant on le recevait, il était un étranger. On était poli avec lui, mais la façon de recevoir montrait qu'on avait les siens et qu'il n'était pas de ceux-là. Or, Kassatsky voulait se trouver là chez lui. Pour cela, il fallait être aide de camp, ce qu'il attendait, ou épouser une jeune fille appartenant à ce milieu. C'est ce qu'il résolut de faire. Il porta son choix sur une jeune fille d'une rare beauté, admise à la cour, non seulement chez elle, dans cette société où il voulait entrer, mais de laquelle tâchaient de se rapprocher les gens les plus haut placés de ce milieu supérieur. C'était la comtesse Gorodkova. Kassatsky commença à faire la cour à mademoiselle Gorodkova, uniquement pour sa carrière. Mais elle était extraordinairement attrayante, et bientôt il en devint amoureux. D'abord, elle fut très froide avec lui, mais subitement tout changea. Elle se montra très tendre et sa mère l'invita très souvent. Kassatsky fit sa demande et fut agréé. Il était étonné de la facilité avec laquelle il avait obtenu ce bonheur et aussi de quelque chose de particulier, de bizarre, dans les rapports de la mère et de la fille. Il était très amoureux et aveuglé, ce qui l'empêcha d'apprendre ce que toute la ville connaissait, qu'un an auparavant, sa fiancée était la maîtresse de l'empereur Nicolas. Deux semaines avant le jour fixé pour le mariage, Kassatsky était à Tarskoïe Selo dans la villa de sa fiancée. C'était une chaude journée de mai. Les fiancés, après s'être promenés dans le jardin, s'étaient assis sur un banc dans une ombreuse allée de tilleuls. Marie était particulièrement belle en sa robe de mousseline blanche. Elle semblait la personnification de l'innocence et de l'amour. Elle était assise, tantôt baissant la tête, tantôt jetant un regard sur le grand bel homme qui lui parlait avec une tendresse particulière, avec délicatesse, ayant peur d'un geste, d'un mot, de blesser, de ternir la pureté angélique de sa fiancée. Kassatsky appartenait à cette génération des hommes des années 40, qui n'existent plus maintenant et qui, admettant pour eux-mêmes, consciemment et ne blâmant pas, dans leur fort intérieur, l'impureté sous le rapport sexuel, exigeaient de la femme une pureté idéale, céleste, et reconnaissant cette pureté céleste en chaque jeune fille de leur milieu, se tenaient en conséquence avec elle. Dans cette opinion, il y avait bien une part de fausseté et quelque chose de nuisible, surtout dans cette dépravation que les hommes se permettaient, mais envers les femmes, cette opinion se distinguait nettement de celle des jeunes gens de notre époque, qui voient en chaque jeune fille une femelle. Et je pense qu'une pareille opinion était utile. Devant une telle vénération, les jeunes filles tâchaient d'être plus ou moins des déesses. Kassatsky avait précisément une pareille opinion des femmes et regardait ainsi sa fiancée. Ce jour-là, il était particulièrement amoureux de sa fiancée sans éprouver aucun désir sensuel. Au contraire, il la regardait avec attendrissement, comme une créature inaccessible. Il se leva devant elle, dans toute sa haute taille, les deux mains appuyées sur son sabre. « J'ai compris maintenant seulement tout le bonheur qu'un homme peut éprouver. Et c'est vous, c'est toi, » dit-il en souriant timidement, « qui me l'a donné. » Il était encore dans cette période quand le toit ne lui était pas habituel, et comme il la regardait moralement de bas en haut, il avait peur de tutoyer cet ange. « Je me suis connu moi-même grâce à toi. J'ai appris que je suis meilleur que je ne pensais. Je le sais depuis longtemps, c'est pourquoi je vous ai aimé. » Le rossignol chantait quelque part dans le voisinage. Le feuillage des arbres était agité par un vent léger. Il prit sa main, la baisa, et des larmes parurent dans ses yeux. Elle comprit qu'il la remerciait de lui avoir dit qu'elle l'aimait. Il fit quelques pas sans but, ensuite s'approcha d'elle et s'assit. « Vous savez, tu sais... Eh bien, cela ne fait rien. Je me suis rapproché de toi non sans arrière-pensée. Je voulais me poser dans la société, mais ensuite... Combien mesquin m'a paru ce but en comparaison avec toi quand je t'ai connu. Cela ne te fâche pas ?» Elle ne répondit pas, se contentant de lui toucher la main. Il comprit que ce geste signifiait « Non, je ne me fâche pas. » « Oui, voilà, tu as dit... » Il s'arrêta, ce qu'il allait prononcer lui paraissant trop audacieux. « Tu as dit que tu m'as aimé. Je le crois, mais pardonne-moi. Il y a quelque chose qui te trouble et qui te gêne. Qu'est-ce ?»« Maintenant ou jamais, » pensa-t-elle. « Du reste, c'est la même chose. Il le saura, mais maintenant il ne s'en ira pas. Ah, s'il s'en allait, ça serait terrible. » Et d'un œil amoureux, elle regardait toute sa grande, noble et forte personne. Elle l'aimait maintenant plus que Nicolas Ier. « Écoutez, je ne puis pas vous sceller la vérité. Je dois vous dire tout. Vous demandez ce qu'il y a ?»« Il y a que j'ai aimé. » Elle posa sa main sur la sienne d'un geste suppliant. Il se tut. « Vous voulez savoir qui ?»« Lui, l'empereur. » »« Nous tous l'aimons. J'imagine que quand vous étiez au pensionnat... »« Non. » »« Après, ce fut une folie. » Mais cela est passé. Mais je dois dire... Eh bien quoi? Non, ce ne fut pas simplement... De sa main, elle se couvrit le visage. Comment? Vous vous êtes donné à lui? Elle se tut. Vous avez été sa maîtresse? Elle se taisait toujours. Il bondit, pâle comme un mort, et les lèvres tremblantes se tint devant elle. Il se rappelait maintenant comment Nicolas Pavlovitch, l'ayant rencontré sur la perspective Nevski, l'avait félicité tendrement. « Mon Dieu, qu'ai-je fait ? Ne me touchez pas. Ne me touchez pas, oh que je souffre !» Il se détourna d'elle et alla à la maison. Là, il rencontra la mère. « Qu'avez-vous, prince ? » Elle s'arrêta en remarquant son visage auquel tout son sang avait afflué. vous le saviez, et vous avez voulu que moi. Je couvre cela. Ah, si vous n'étiez pas une femme. S'écria-t-il en levant sur elle son énorme poing, et se détournant, il s'enfuit. Si l'amant de sa fiancée avait été un homme quelconque, il l'aurait tué. Mais c'était le tsar adoré. Le lendemain, il demanda un congé et donna sa démission. Il se dit malade pour ne voir personne et il partit pour la campagne. Il passa l'été dans sa propriété et arrangea ses affaires. À la fin de l'été, il ne retourna pas à Pétersbourg, mais alla au couvent où il entra comme moine. Sa mère lui écrivit pour tâcher de le dissuader de ce pas décisif. Il lui répondit que la vocation religieuse était supérieure à toute autre considération et qu'il la sentait en lui. Seule, sa sœur, aussi orgueilleuse et aussi ambitieuse que son mari, le comprenait. Et elle le comprenait parfaitement bien. En devenant moine, il montrait qu'il méprisait tout ce qui paraissait si important aux autres, et à lui-même pendant qu'il était au service. Et il se plaçait à une hauteur nouvelle de laquelle il pouvait regarder de haut en bas les gens qu'auparavant il enviait. Mais ce n'était pas ce sentiment seul, comme le pensait sa sœur Barbara, qui le guidait. En lui était encore un autre sentiment vraiment religieux, celui-là qu'elle ne soupçonnait point et qui s'ajoutait au sentiment d'orgueil. Le désenchantement que lui avait causé Marie, sa fiancée, qu'il se représentait comme un ange, et l'offense qui lui avait été faite étaient si vifs qu'il avait conduit au désespoir, et le désespoir l'avait amené à Dieu, à la foi enfantine qui était demeurée en lui intacte.